Lina, c'est une belle chanson, certes, mais je ne savais pas que ce serait une chanson qui resterait très longtemps. Lina, c'est une fille congolaise de Brazzaville, une fille Vili, qui a grandi à Pointe-Noire et que j'ai rencontrée là-bas pendant que j'ai effectué ma première tournée avec ma propre formation qui fut l'African Fiesta, le peuple national qui deviendra un jour l'Afrisa. Lina, Lina nalingaka, kende nalembi, kopandela bandeko. Lina, osiliki na ngai se pamba, olongoli pa foto na yo na ndako na nga, likambo yango mpe bana. Nakolobela yo mpo ebanga, matoyi ekoli kaka moto te. Kitisa pe motema ndeko ya mwasi maloba na yo ekati ngai motema yeba lokumu na ngai nyonso nse oyo obebisi olongoli bafoto na yo na ndako na nga likambo yango mpe ebana nakolobela yo mpo ebanga matoyi ekoli kaka moto te kitisa pe motema ndeko ya mwasi maloba na yo ekati ngai motema yeba lokumu na ngai nyonso se oyo osilingi lina lina nalingaka lelo nalembi kobondela bandeko lina makambo mingi nabombelaka yo motema di bombela kayo motema adie.